Il était beau le bateau, le bateau qui est au fil de l'eau, beaucoup plus grand qu'un pédalo, couleur d'un bleu pas trop crado. Il était beau le bateau, avec ses petits asticots, ses souris, son bar à ragots. Je retourne boire mon apéro. J'étais parti à l'aventure sur un cargo bien rigolo. Il n'avait pas vraiment toiture, mais j'aimais bien ce vieux rafio. Avec mon super beau blouson, je restais guetter l'horizon. Mais vu qu'il n'était pas bien net, je suis resté à la buvette. Il était beau le bateau, le bateau qui est au fil de l'eau, beaucoup plus grand qu'un pédalo, couleur d'un bleu pas trop crado. Il était beau le bateau, avec ses petits asticots, ses souris, son bar à ragots. Je retourne boire mon apéro. Vous n'aurez pas la chance de me voir pour vous crier mon désespoir quand je navigue, c'est dans le noir. Dans mon long lit en forme de poire, je me réveille dans la nuit. Chez moi c'est une maison à fuite, j'ai toujours l'impression de voguer. Je suis même souvent très enrhumé. Il était beau le bateau qui est au fil de l'eau, beaucoup plus grand qu'un pédalo, couleur d'un bleu pas trop crado. Il était beau le bateau, avec ses petits asticots, ses souris, son bar à ragots. Je retourne boire mon apéro.